إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبحمد الله تعالى بعد هذا الانقطاع الطويل لأجل صيام رمضان نسأل الله يتقبل منا صالح أعمالنا ومن هنا إن شاء الله نواصل في درسنا في كتاب التوحيد الذي مؤلفه هو محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه. Donc comme on a déjà pris une révision la dernière fois, on peut entrer directement dans le ders. Aujourd'hui, on a déjà fait une muraja'a amma des 10 derniers durus. Inch'Allah, nastamir mubasharatan. فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Dans le chapitre à propos de la parole d'Allah, dans le sens où il dit et parmi les gens certains prennent des égaux en dehors d'Allah qu'ils aiment d'un amour qui revient à Allah. فهذا الباب يتعلق بالمحبة l'amour. Et on a déjà pris une partie inchallah de ce sujet dans l'une des abwab précédentes au début du livre. فإنشallah سنمشي فيه سريعا. فقال الشارح رحمة الله عليه يعني الشيخ ابن باز هذا الباب في إثبات محبة الله وأنها من أهم العبادة وأفضل القربات وأساس الدين لأن حبه يقتضي الإخلاص له والامتثال لأمره والترك نهي والانقياد له. Donc il a dit que ce chapitre est venu pour affirmer l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle est parmi les plus importantes des adorations, les meilleures des rapprochements et parmi les fondements de la religion, car cet amour implique la sincérité envers lui et le fait d'appliquer son ordre de délaisser les interdits. Donc là, ce verset nous démontre que parmi les gens, certains prennent des égaux parmi les djinns, parmi les hommes, parmi les pierres, et qu'ils aiment ces égaux comme l'amour qui vient à Allah, c'est-à-dire l'amour qui est une ibada. Et qu'ils aiment ces undead comme les mu'minoun, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. On avait cité Aqsam de Al-Mahabba, tu t'en rappelles? Tabi'iyya. Awalen, Al-Uzma, la plus grande, c'est quoi le plus grand amour? Lillah. Là, c'est pas Lillah, c'est Mahabbatullah. Mahabbatullah, l'amour d'Allah. Là, c'est une ibada pure. Cet amour n'est que pour Allah. Là, ce verset-là vient pour montrer que ces gens-là ont cet amour-là pour autre que Allah. Naam. L'amour naturel, naam. Donc, on a l'amour naturel qui est comme le fait d'aimer les proches, les amis, les choses de cette dunya. Ça, c'est un amour qui est permis. Tant qu'il n'amène pas une croix à la fin. Et comme tu as dit, on a l'amour en Allah, qui est lui-même une ribada, le fait d'aimer pour Allah, détester pour Allah. C'est-à-dire, tu aimes ce que Allah il aime et tu détestes ce que Allah il déteste. Et Adamin, Kamal al-Iman. Plus cet amour sera fort, plus ta foi sera forte. Donc ceux qui aiment autre que Allah d'un amour qui revient que Allah ont fait du shirk. Car cette ibada ou cette mahabba est une ibada. Un amour qui fait qu'il s'humilie et se rabaisse devant l'aimé. Qu'il font ce qu'il lui demande en prenant cela comme un rapprochement vers lui avec un tarzim et un tazallul. chose qui nous revient que Allah à la base. Tu les vois également jurer pour. S'ils jurent pour Allah, ils sont capables de mentir. Et s'ils jurent pour ses mahboubat, tu les verras, jamais ne mentira. S'ils jurent pour son mahboud, son cheikh ou la chose qu'il adore, même s'il dit que je ne l'adore pas, ce tarzoum qu'il a en lui l'empêche de mentir s'il jure pour lui. Soumakal. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قول الله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الآية في سورة التوبة. Donc il a dit, dites, si jamais vos pères et vos fils, ainsi que vos frères, vos familles, dans le verset, ainsi que des biens, des commerces et des maisons, des demeures, sont préférables à Allah et à son messager et le jihad sur son sentier, alors soyez sur vos aguets, c'est-à-dire que Allah n'aime pas le peuple de fasiqin. Inna Allah wa Allah le hibul fasiqin, comme dans le verset, dans le sens. Donc là, il fait allusion à quoi par rapport à ça, les mu'allif? Que ces choses qui sont à la base rentrent dans un amour tabi'i, voyez, un amour tabi'i, ne doivent pas prédominer sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire là, ce verset est rentré pour le djihad. Que le fait que tu aimes trop ton père ou tes frères ou tes enfants t'empêche de faire le djihad quand il faut le faire. Et Cheikh El Fawzen, il rentre dans ce verset la hijra. Le fait de ne pas faire la hijra par amour de ces choses-là. Les proches, la maison, l'argent, le tijara que tu aurais, ce genre de choses. Il dit ça rentre dedans également. Car la hijra rentre dans le djihad, fi sabilillah. Talab al-ilm kadhalik, il trouve le djihad, fi sabilillah. Et que toutes ces choses que tu aimes d'un amour qui t'en fait tomber dans la mukharafa, du shara, ces choses-là, yom el qiyama, se désavoueront de toi. Tout ce que tu as adoré en dehors d'Allah, que tu aurais aimé d'un amour non légiféré, se désavoueront de toi, yom el qiyama. Comme a dit Azza wa Jal, « وَيَسْتَبَرَّ أَلَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَوْا الْعَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الْأَسْبَابُ. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرا منهم كما تبرؤوا منا. Lorsque si nous sauterons ceux qui ont été suivis par ceux qui les ont suivis et qui verront le châtiment, et que ceux qui ont suivi diront si nous pouvions revenir afin que nous nous désavouons d'eux comme eux se désavouent de nous actuellement. C'est-à-dire les choses que tu aimes plus qu'il ne faut, tu as mon nom qui a une perte et une khasara, yom el qiyama. Donc la mahabba qui doit avoir doit être légiférée. Tu aimes ton père, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu aimes ta mère, mais pas au point qu'ils te fassent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, s'ils voient que cette obéissance est permise, alors là, ils rentrent dans le shirk. Ils rentrent dans le shirk. Ça va venir, inshallah, dans طاعت الأمراء وغير ذلك. ثم قال المؤلف وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. أخرجه que selon Anas, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit qu'aucun de vous ne croira tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui, de son enfant ou de son père, de tous les gens. Le hadith متفقون عليه. Donc cela, ce hadith, comme a dit le Cheikh, هذا يدل على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة تليق به وتقتدي اتباعه وامتثال أمره وترك نواهيه ولا تكون محبة عبارة بل تابعة لمحبة الله. Cela démontre qu'il est obligatoire d'aimer le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم d'un amour qui lui revient réel sans exagération, comme le font certaines personnes qui l'aiment plus qu'il ne le faut, au point de lui accorder des attributs de la divinité. Et cet amour, qu'est-ce qu'il inclut ? Que tu le suives, que tu obéisses à son ordre, que tu délaisses ses interdits. Et que cet amour, en réalité, n'est pas pour lui-même, mais c'est un amour qui est en suivi de l'amour, ibadah, qu'on a pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait d'aimer Allah inclut que tu aimes son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est obligatoire. Si tu aimes celui qui envoie, tu vas aimer l'envoyé. Car l'envoyé est venu pour donner le message de celui que tu aimes. Donc forcément, tu dois l'aimer. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ » Dis, si jamais vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. وقال رحمه الله تعالى ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يحب أو لا يجد أحد toujours selon Bukhari et Muslim, qu'il est dit sallallahu alayhi wa sallam, trois choses, ceux qui les trouvent auront trouvé la saveur de la foi, que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui de toute autre chose en dehors d'eux, que s'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah, et qu'il déteste retourner dans le kufr après que Allah l'en ait sorti, tout comme il détesterait être jeté au feu. Dans une version, qu'une personne ne trouvera la saveur de la foi jusqu'à ce que, et après sortait le même hadith. Donc ce hadith vient pour confirmer le hadith précédent, et que cet amour, comme on l'a dit au début, fait partie de l'iman. La foi, tu ne peux la savourer tant que Allah et son messager ne sont pas plus aimés auprès de toi que toute autre chose, et que tu n'aimes que pour Allah, que tu ne détestes que pour Allah, et que le kufr soit la pire des choses pour toi d'y retourner après que Allah t'en ait sauvé. Et ça, ça rentre dans le qisq qu'on avait pris dans la mahabba, qui est al-mahabba, dont il y a la mahabba, dont il y a mahabbatullah. Et il y a également Al-Mahabba fi la. Li-la. Elle rentre dedans, dans ce hadith. Donc quelqu'un qui a pris ce hadith ne peut pas dire que les Nasara, les Yahoud sont nos frères, mais qu'ils les aiment. Ce n'est pas possible. Celui-là n'aura pas savouré la foi, bien évidemment. Car Allah les déteste. Il dit Haoula ani sharal al-khalq inda Allah, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a pris encore aujourd'hui, que ces gens-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Donc comment tu peux dire tu les aimes, et pire encore qu'ils sont tes frères? Qala Allah azza wa jalla fi kitabihi innamal mu'minuna ikhwa. Seuls les croyants sont des frères. Le Yahoudi n'est pas ton frère. Le Nasrani n'est pas ton frère. Yani, fi din. Et dans l'ukhuwa et l'insaniya, ça c'est autre chose. Mais celle-là, on n'est pas en train de parler de ça. Yani, la fraternité humaine. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'ukhuwa et l'insaniya, la fraternité religieuse. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Wa an ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Qal, man ahabba fi Allah, wa abghadha fi Allah, wa la fi Allah. وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون ذلك أو كذلك وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. كلا دي Ibn Abbas, Là, c'est pas un hadith, c'est un affar d'Ibn Abbas. Celui qui aime en Allah et qui déteste en Allah, qui s'allie en Allah et se désavoue, on va dire, ou prend en animosité pour Allah, que cela ne s'obtient, ce n'est que par cela que s'obtient le rapprochement d'Allah, c'est-à-dire que tu deviens un wali. Et que le serviteur ne trouvera pas le goût de la foi, même si ses salates sont nombreuses et multiples, fait beaucoup de salates, ainsi que son siyam, il gêne beaucoup, tant qu'il ne sera pas dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il aime pour Allah, il teste pour Allah et réalise Alika. Il dit que la plupart des gens aujourd'hui, l'ensemble des gens, leur alliance, fraternité n'est basée que sur quoi? Que sur la dunya. Et que cela ne leur apportera rien du tout. Cela ne rapportera aucun avantage. Cet amour placé sur la dunya, rapporté par Ibn Jarir. Donc ce athar, qui est le kalam d'Ibn Abbas, turjuman al-Qur'an, que tu ne deviendras pas un wali d'Allah, rapproché d'Allah, tant que tu n'auras pas aimé en lui, détesté pour lui, wa al-dhalika. Et que tu n'auras pas goûté à la foi kazalik, ce qui confirme le hadith précédent. Et qu'aujourd'hui, à son époque, alors que dire de la nôtre, que les gens, leur amour est placé pour la dunya. Ils vont aimer quelqu'un pour la dunya. Ils vont détester quelqu'un pour la dunya. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est riche, qui leur donne beaucoup de choses, ils vont l'aimer. Même si c'est un fasiq, voire même si c'est un kafir. Et quelqu'un qui n'a rien à leur apporter comme intérêt matériel au réel d'Alika, ils ne donneront pas d'importance. Et peut-être même qu'ils le mépriseront et le mettront sur le côté. Car leur amour est basé pour cela. C'est un amour matérialiste, comme on dirait. Et cela, yom al-qiyama, ne leur apportera rien du tout. Shir ibn Baz dit bel qad yadurruhum iza saddahum an al-haq wa khalafa shar'a Allah. Amma iza ishtaghalu bid-dunya fi al-bay' wash-shira' wa talab ar-rizq wa kana la yadurru imanuhum wa la yuwaqqi'uhum fi al-ma'asi wa yasta'inuna bidhalika la tu'ati Allah fa hadha la haraja fihi. Donc il dit par contre, si ces gens-là, cet amour, c'est-à-dire pour la dunya, peut les nuire même. Ce n'est pas seulement qu'il leur apporte rien, c'est qu'il leur nuira. Si jamais cet amour pour dunya fait obstacle à la vérité et les fait tomber dans ce qui s'oppose à la législation. Ah, quant au fait qu'ils s'occupent de la dunya, comme la vente, le négoce, le commerce, chercher le risque, cela ne nuit pas dans leur foi. Tant que cela ne nuit pas dans leur foi, il ne les fait tomber dans les ma'asi et qu'ils se basent sur cela pour pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, cela, il n'y a pas de greffe. Ils travaillent, mathalan, pour pouvoir avoir de l'argent, pour se nourrir, sa famille, mathalan, faire des sadaqas, réaliser des alikas, ma vie, j'ai fait ça. Bel ou mustahab, comme on a pris dans les kawad al-fiqriya, anna la wasa'il la hukm al-maqasid. Les moyens prennent le jugement des objectifs recherchés. Ça peut même être wajib. Ça peut être wajib. Ça dépend de ce que tu veux en faire. Thumma qala wa qala Ibn Abbas fi qulillahi ta'ala wa taqatta'at bihim al-asbab ay al-muwadda. Dans la parole d'Allah où il dit, lorsque les, yani en fait le tafsir en français n'a pas directement, lorsque les liens et l'amour sera coupé, c'est-à-dire yawm al-qiyamah. Ça revient au verset d'avant, où il s'tabarra allazina tubi'u min allazina tabahu wa ra'u al-asbab wa taqatta'at bihim al-asbab. Parce que ceux qui ont été suivis se désavoueront de ceux qui les ont suivis, et que les liens et l'amour qui vont entre eux sera interrompu. Il n'y aura plus d'affection entre eux. Pourquoi? Là c'est yawm al-qiyamah. Là c'est nefsi, nefsi, nefsi. C'est-à-dire ton père, tu veux l'oublier. Ta mère, tu veux l'oublier. Pour faire kazalik. Là, on part. Tu oublieras tout le monde. Tu ne verras que toi. Quand les gens vont venir vers eux, pour qu'ils intercèdent pour eux, pour que Allah minimise de leur fardeau. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus d'amour. Il n'y aura plus d'amour. Ce sera du chacun pour soi. Tellement là, frayeur et la terreur sera grande. Taïeb, va prendre Masail, Yasbab. Taïeb. Qal. Al-Oula, tafsir ayat al-Baqara. Le tafsir du verset de Baqara. Al-Thaniya, tafsir ayat al-Bara. Tafsir du verset de Bara. Parce qu'il dit, Wun kana aba'ukum wa abna'ukum, il est à l'alika. C'est quoi surat Bara? Surat Bara. Aïe, c'est laquelle? C'est quoi cette surat? Bara, c'est Toba. Parce qu'elle commence par ce mot-là. Bara tu minallah wa rasoulihi. Des aveux. Également s'appelle Al-Fadiha. C'est qui dévoile qu'il parle des munafiqin dedans. Thalitha. Wujub taqdim mahabbatihi sallallahu alayhi wa sallam ala nafs wal ahl wal mal. Qu'il est obligatoire d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque nous-mêmes, que nos proches et que les biens. Arabi'a, anna nafi al-iman la yadulu ala khuruj min al-islam. Que le fait qu'une chose s'oppose à l'iman n'implique pas forcément que cela amène à un takfir, que tu sortes de l'islam. Des choses s'opposent à l'iman sont pour autant être des choses qui se sortent de l'islam. Arabi'a, anna nafi al-iman. Khamisa, anna lil-iman halawa. Kod yajiduha l'insan, kod la yajiduha. Que la foi elle a une saveur et qu'il se peut que la personne la trouve comme il se peut qu'il ne la trouve pas. Et qu'il ne la trouve pas ne veut pas dire que c'est un kafir, kazalik, mais que sa foi elle est réduite. Al-Sadisa, a'mal al-qalb al-arba allati la tunalu wilayatullahi illa biha, wa la yajidu ahadun ta'am al-iman illa biha. Les quatre œuvres du cœur, donc par lesquelles ou par. Sans par lesquels on ne peut trouver al-wilaya, c'est-à-dire le fait d'être rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que personne ne trouvera le goût de la foi sur ces quatre-là. Qui sont-ils ces quatre amal al-qalb que tu aimes pour Allah, tu détestes pour Allah. Quand même. Après, tu aimes son messager. Et que tu détestes retourner par le couf, tout comme tu détesterais être jeté au feu. En fait, c'est en liant les hadiths. T'en as, il a dit salaf, man kunna fihi. Trois. Mais le hadith d'après, il vient pour ajouter. As-sabi'a, fahm as-sahabi lil-waqi'a. An'amat al-muakhat ala amri dunya. Que la compréhension du sahabi, c'est-à-dire Ibn Abbas, que la plupart des gens aujourd'hui, l'ensemble des gens, leur alliance est basée sur quoi? Sur la dunya. Athamina tafsir wa taqatta'at bihimul asbab. Le tafsir du verset, lorsque les liens d'affection seront coupés entre eux, c'est-à-dire yawm al-qiyama. Et tasi'a anna min al-mushrikin man yuhibbu Allah hubban shadida. Parmi les mushrikin, certains ils aiment beaucoup Allah, mais ils aiment les andad comme ils aiment Allah. Et des fois plus. Al-Ashira al-Wa'id ala man kanat al-Thamaniya ahabba ilayhi min dinihi. La menace de ceux qui aiment ces huit choses, c'était dans le verset de Al-Bara, qui est le père, le fils, les frères, les proches, les biens, la maison, tijara, ghayr dhalika, que cela pour eux, sur eux, une grande menace pleine. Qui vont faire cela à leur religion. Wal hadi ashar anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbat Allah fa huwa ash-shirk al-akbar. Celui qui prend un égal pour qui l'amour envers qui l'amour qu'il ressent est égal à celui d'Allah, cela est du shirk akbar. Tamam, cela est du shirk akbar. Tayeb. Après on va prendre maintenant le bab dans le sens le sentiment opposé. qui est Al-Khawf. Al-Khawf. فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب قل لله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Donc à propos de la parole d'Allah dans le sens où il dit, c'est juste Shaitan qui vous effraie, vous fait peur de ses alliés. Alors n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Donc là, Cheikh Al-Othaymine dit en faïda pour le lien entre les deux bèbes que la ibada, elle se concentre sur deux points essentiels qui sont l'amour et la peur. L'amour et la peur. Car par cet amour, tu vas obéir l'ordre. Et par la peur, tu vas délaisser les interdits. Tu vas délaisser ce qui a été interdit. Car tu auras peur de quoi? Du mécontentement de celui que tu aimes. Et qui est-il? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu auras peur de sa colère, de son châtiment. Hada wa taqwa. La taqwa, c'est que tajal baynak wa bayn azabillah wiqaya. Tu mets une protection entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça rentre dans al-khawf. Et la mahabba, quand tu aimes quelqu'un, tu fais ce qu'il te demande de faire. Donc que dire, c'est mahabba qui est l'ibada, qui est tawhid pour Allah, qui te contraindra à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et te pousse à l'ikhlas, kazalik. Cette khawf va t'amener à l'ikhlas. La khawf, elle est trois catégories. Comme a dit le cheikh. Elle khawf min Allah. La peur d'Allah, qui est une ibada. Wa huwa a'zamuha wa awjabuha wa yajibu fihi al-ikhlas wa sarfu li ghayrihi shirkun. Shirku an yakhaf minha an tusibahu bimakruh. Donc cette khawf, qui est la peur d'Allah, qui est la plus grande des peurs, et la plus obligatoire des peurs. Celle dans laquelle tu es obligé d'être sincère, mukhlis. Et la tourner pour que Allah soit du shirk. Il y en a qui ont peur d'une chose qu'elle ne lui fasse subir que ce que seul Allah peut lui faire subir. Ça, c'est le shirk. Après, il y a la khawf. Khawf ma'asiyah. C'est le khawf yahmil ala fi' al-ma'asiyatin ala ma'asiyatillah wa tark al-wajib. C'est la peur qui te pousse à tomber dans la désobéissance et à délaisser une obligation. Et c'est celle-là qui est voulue par le verset. Que Shaitan te fait peur des choses, donc à cause de cette peur, tu délaisses masalan, le djihad, tu délaisses la hijra, tu délaisses la salat, tu délaisses telle et telle chose. Une peur qui te pousse à tomber dans la marsia. Comme par exemple quelqu'un qui a peur de son patron à tel point que il ne fait pas la salat, il se rase la barbe, il vient habiller d'une façon qui n'est pas légiférée. Il a trop peur du patron. Ou il a trop peur de la pauvreté, ou trop peur de telle et telle chose, de son père. Son père lui dit, tu vas faire telle chose, sinon tu vas voir ce que je vais te faire. Il a peur de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit à son père dans une marsia. Donc cette peur-là, elle est interdite. Ce n'est pas du shirk, car tu sais ce que tu fais, c'est haram, et tu fais quand même par peur de cette autorité qui est au-dessus de toi. Et tu as, troisième, al-khawf al-tabi'i. La peur naturelle. Comme le fait d'avoir peur d'un ennemi. Le fait d'avoir peur d'une bête sauvage. Le fait d'avoir peur même de la pauvreté. Mais pas au point de tomber dans la marsia. Personne n'aime être pauvre. Enfin, personne n'aime cela. Demain, quelqu'un dit il a une somme d'argent, elle est finie, il aura peur du lendemain. Il dit qu'est-ce qui va m'arriver demain? Comment je vais manger? Comment vais-je nourrir ma famille? Il a une appréhension. La peur de la mort. La peur de la douleur, la peur de la maladie. Toutes ces choses-là, c'est une peur naturelle. Elle n'est pas haram. Tant qu'elle ne t'emmène pas à quoi? À tomber dans un interdit. Que Moussa, alayhi salam, il a eu peur. est sorti de la ville après avoir tué le copti, après l'avoir frappé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la ville en ayant peur. Kha'ifa, comme a parlé Azza wa Jal. C'est une peur qui est tabiri. Wa qala Azza wa Jal, innana nakhafu yafrutu alayna aw an yatagha. Ils ont dit quoi? Moussa et Haroun, on a peur de Pharaon qu'il nous fasse subir des sévices. Nakhaf, ils ont dit, on a peur. Et Pharaon, c'était un jabbar. Il y avait de quoi avoir peur de lui. Mais cette peur-là, est-ce qu'ils ont délaissé pour autant ce que Allah leur a dit de faire, de partir pour aller lui parler? Ils ont été. Ils ont obéi. Thumma qal al-mu'allif, innama ya'muru مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله. هذا هو الشاهد. لم يخشى إلى الله. Seul remplissent les messagers d'Allah, ceux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat et qui ne craignent que Allah. فهنا المقصود الخشية. Donc c'est الخشية, c'est quoi? C'est le خوف avec un تعظيم et avec du علم. C'est une khawf avec un ta'zim. Tu as un ta'zim de la chose dont tu as peur. Et un ilm. Tu sais vraiment que cette chose-là, qu'est-ce qu'elle peut te faire. Et cette khashiya, tu la trouves chez qui? Chez les ulama, comme l'a dit Azza wa Jal. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Seuls craignent Allah parmi ses serviteurs, les savants. Pourquoi? Car ils savent qui est Allah. Donc ils ont une peur avec un ta'zim, avec ilm. Contrairement à la peur, al-khawf, tu peux avoir peur d'une chose qui ne mérite pas la peur. Avoir peur d'une personne, une créature, elle est moindre, elle a moins de force que toi. Combien de gens, ils ont des fois, ils voient un insecte, ils ont peur. Ils voient une petite bestiole dans la maison, ils ont peur. Une chose même des fois inoffensive, une souris. Salam. Souris dans la maison, souvent tu vois les femmes, comment elles sont, faut se décrire. Bah, même des hommes, hein, faut pas croire. T'as des hommes, ils ont peur des souris. Elle va te faire quoi la souris? Rien du tout. Ama la khashiyya, c'est une peur avec une immensité au fond de toi, un ta'zim, et en même temps tu crains cette chose-là car tu sais le mal qu'elle peut te faire. Tu sais ce qu'elle peut te faire. Donc tu ne peux pas dire un archel. Mais des fois, l'oratène, les gens ils le disent. Archa kazalik, pour dire j'ai peur de telle chose. Mais shal'an, cette peur-là, elle revient que Allah subhanahu wa ta'ala. Même des fois dans le parler, tu peux l'entendre. Un archa alik kazalik, j'ai peur pour toi de telle et telle chose, qu'il t'arrive telle et telle chose. Il n'y a pas de ta'zim. Mais c'est une crainte d'une chose, tu sais qu'elle peut t'arriver. Fahimt? Naam. Thumma qal, wa qala Allah ta'ala, wa minan nas man yaqul amanna billah, fa idha udhiya fillah ja'ala fitnat an-nas ka'adhabillah. Donc parmi les gens, certains ils adorent Allah de façon fragile. Et lorsqu'ils sont atteints par une fitna, ils se mettent à craindre les hommes. Tout comme ils craignent le châtiment d'Allah. Donc il y a des gens, ce verset-là, il vient amener à quoi? Qu'ils craignent ce que les gens peuvent leur faire subir plus que le châtiment d'Allah. À tel point que demain, il arrive une chose, ils vont délaisser leur religion, ils vont apostasier, par peur qu'un tel ait une peur qui n'est pas légiférée. Ce n'est pas une contrainte, c'est une peur d'une chose qu'il peut délaisser, mais il a trop peur. Il a trop peur. Ou même, autre que de laisser la religion, il délaisse, مثلاً, la sunna. Ou il délaisse, et comme tel haq, par peur qu'il lui arrive telle et telle chose. On lui dit, مثلاً, reconnais la vérité. S'il la reconnaît, c'est qu'il va avoir des problèmes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sera molli, il a dit pas la vérité. Il sera molli, il a dit pas la vérité. On dit, défends le haq. Non, si je défends le haq, les gens vont m'abandonner, hein, tu vas parler sur moi, les gens vont faire le hajj. Qu'est-ce qu'il fait? Il sera molli. Il tombe dans la bid'a, dans la mukhalafa. Par peur des gens. Ça, c'est par peur des gens. Donc, lui, sa ibada, elle est comment? À la taraf. Elle est frêle, elle est fragile. À la harf, maintenant, la taraf. Tu vas le voir un jour, quand tout va bien, il est là. Tu le vois, thabit, qawi, ferme. Le jour, il y a une épreuve, hop, c'est plus le même. Il s'en retourne. Il s'en retourne. Wali azbillah. Thumma qal, an Abi Sa'id, radiallahu anhu. مرفوعا إن من ضعف اليقين أن يرضي الناس بسخط الله وأن يحمدهم على رزق الله وأن يذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. راو التبراني وهذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. Donc selon Abu Saïd, qui leur a rapporté du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit, parmi la faiblesse dans la certitude, c'est-à-dire dans l'hymen, que tu réjouisses les gens en irritant Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu vantes les gens pour ce que Allah t'aura donné. Ou que tu blâmes les gens pour ce que Allah ne t'aura pas donné. Et que le risque d'Allah, même si tu, on va dire, tu t'efforces à l'obtenir, tu ne l'auras pas que si Allah te l'accorde. Et également, le risque d'Allah, personne ne peut le retenir. Même personne qui déteste, par exemple, tu obtiennes telle telle chose, et bien sa détestation, son dégoût, n'empêcheront pas que Allah te l'accorde s'il veut te l'accorder. Donc, hada, c'est-à-dire que tu es une personne, tu as une faible foi du fait que tu veux rendre heureux les gens. À tel point que tu irrites Allah en faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire. Et que lorsque Allah t'accorde un bienfait, tu l'attribues aux gens, ce bienfait. Tu dis c'est grâce à un tel. C'est grâce à un tel. Tu dis non, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que tu l'as eu, c'est tout. Un tel ne peut être une cause. Il t'a aidé. Mais al-fadl al-mutlaq yarji' ila man ila Allah. Donc là, ça rentre dans quoi? Dans la peur et également dans le fait de vouloir réjouir les gens. Sur le compte de ta religion. Bien évidemment, man a'taka shay'an a'anaka ala shay'in tashkuru. Tu le remercies. Il t'a aidé pour telle chose, tu le remercies. Et adal shukr de la personne, c'est un shukr pour Allah. La yashkurillah, man yashkurinnas. Celui qui n'a pas remercié les gens n'aura pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois remercier les gens pour le bien qu'ils t'ont fait. Mais cependant, tu sais que ce fadl qui t'a été accordé, c'est qui te l'a accordé en réalité? C'est Allah. Sans ces gens-là, il aurait pu te l'accorder. Ces gens-là ne sont qu'une cause. Ils ne sont qu'une cause. Thumma qala al-mu'allif. Ou également, non, si une chose ne te parvient pas, tu n'as pas à faire une révolte et à faire un soulèvement contre les gens. Si une personne a un haq à te passer, il ne l'a pas passé, tu le réclames. Tu fais un rappel. S'il y a même demain, tu as des tribunaux, des choses comme ça, shari'iyah, tu peux l'emmener en justice devant un juge pour ton haq. Maintenant, on dit que tu ne l'as pas eu. Khalas, tu patientes et tu le récupères le meilleur qu'il y a. Fais pas un soulèvement. La plupart des gens, ils sortent contre les hukam aujourd'hui pour ça. Car le hakim ne leur donne pas ce qu'eux, ils voudraient recevoir. Donc, c'est quoi? Les khawarij, c'est ça le asl. I'adil ya Muhammad, donne-moi une part du butin. Il ne l'a pas eu, il s'est rebellé. C'est pour la dunya. Pour la dunya. Donc tu n'as pas ta part, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hakim, tu le rends son droit, le gouverneur, tu le rends son droit, en l'obéissant au ma'ruf. Et si jamais ton droit qu'il doit te donner, il ne te le rend pas, demande-le à Allah ton droit. Et toi, tu patientes, tu ne sors pas contre lui. Wa qala an Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, man iltamasa ridha Allah بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. Selon Aïcha, je crois qu'il y a un kelam dans ce hadith malgré tout, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui recherche l'agrément d'Allah en irritant les gens, Allah l'agréera et fera que les gens l'agréent. Et celui qui recherche l'agrément des gens en irritant Allah, alors Allah s'irritera contre lui et fera que les gens s'irriteront contre lui, kazalik, se mettront en colère contre lui. Donc ce hadith, qu'est-ce qu'il te montre? Que tu dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, ne pas chercher à plaire aux gens. Car celui qui cherche à plaire aux gens en déplaisant Allah, qu'est-ce qu'il arrivera? Allah se mettra en colère contre lui et les gens également finiront par se mettre en colère contre lui. Il aura tout perdu. Et le contraire, des gens qui veulent plaire à Allah, quitte à irriter les gens, Qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là que par la suite les gens finiront par l'aimer et après c'est ce qu'il a fait? Al-amru lillahi min qalb wa min ba'd. Le décret revient à Allah. En toutes circonstances. Et qu'est-ce que Allah veut t'accorder? Personne ne pourra l'empêcher. Et qu'est-ce que Allah veut t'empêcher d'avoir? Personne ne pourra te l'accorder. Donc toi, fais que ton pivot principal soit quoi? Iltimes ridallah. Tu recherches l'agrément d'Allah ce moment-là. Et ça, la kouwa dans le din. Et bien là, je sais que les gens ne vont pas aimer cela. Ils ne vont pas aimer. Mais les gens, qui sont-ils pour toi? Des créatures vivants. Et demain, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Rien du tout. Ils ne vont rien t'apporter du tout. Si Allah demain veut que tu deviennes le roi d'un pays, tu deviendras roi d'un pays. Et si demain Allah veut que tu sois une personne qui ne possède plus rien du tout, plus rien du tout, quoi que tu fasses, tu n'auras rien du tout. Donc le Zaki, celui qui a compris cela, quoi qu'il fasse, il sait que j'obéis à Allah. Et quand bien même dans cette dunya, je n'aurai rien obtenu comme bien, j'aurai la plus grande récompense sur le Al-Qiyama. Ava. Donc la peur, que la peur naturelle ne t'amène pas à tomber dans les mukhalafat shar'iyya et à encourir ghadabillah. Ou le ghadab, sakhat min sifatillah, la colère. La colère sont parmi les sifat d'Allah malgré ce que disent les mu'attila. Taïf, on va prendre les masail. قال الاولى تفسير ايات ال عمران le tafsir du verset 2 ال عمران انما ذلك مو شيطان c'est le shaitan qui vous fait peur, c'est-à-dire qui vous fait tomber dans la marsiya. الثانيه également ce verset te démontre quoi? Que ceux qui t'amènent à tomber dans la marsiya volontairement, que sont-ils? Des auliyas de shaitan. انما ذلك مو شيطان يخوف اولياءه. فهمت؟ أولياءه. الثانية تفسير آية براء. التفسير دو verset براء. C'est quoi براء؟ On a dit توبة. الثالثة تفسير آية العنكبوت. تفسير دو verset العنكبوت. الأغنية. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. Que la certitude, c'est-à-dire l'iman, peut s'affaiblir et augmenter. Il y a des actes qui la font augmenter, des actes qui la font se réduire. Comme la marsiya, après les Al-Khamisa, aramat, da'fihi. Wa min zalika, adhi thalaf. Les signes de cette faiblesse dans la foi. Et parmi ces signes, les trois. Qui sont-ils? Que tu vantes les gens pour ce que Allah t'aura accordé, ou que tu blâmes les gens pour ce que Allah ne t'aura pas donné. Et que tu agréer les gens, tu fasses que les gens soient tu réjouisses les gens en irritant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est parmi les choses qui démontrent la faiblesse de ta foi. Sadisa anna ikhlas al-khawf lillah min al-fara'id. Le fait d'être sincère dans la peur envers Allah est parmi les obligations. Sabi'a dhikr thawab man fa'ala. Qu'il cite la récompense de celui qui aura fait cela. C'est-à-dire qu'il aura craint Allah sincèrement. Et Thamina dhikr iqab man taraka. Qu'il a cité le châtiment ou la mauvaise attribution de celui qui aura délaissé cette khawf pour Allah. Ou même qui n'aura pas été sincère dans cette khawf pour Allah. Naam. Donc ça, c'est les deux bêbes qu'on a pris aujourd'hui qui sont l'amour et le khawf sur lesquels se base principalement l'adoration. Bien d'accord, nous avons fait un coup. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.